Le carnet de philosophie de Géraldine Mosta-Savoie. Alors que le philosophe Gaspard Koenig se lance dans la campagne présidentielle, vous vous interrogez aujourd'hui sur son mot d'ordre, la simplicité. C'est presque du pain béni, un cadeau que me fait Gaspard Koenig en se présentant aux élections. Pas seulement parce qu'il est philosophe et que c'est toujours un sujet de gagner pour une chronique de philo, mais surtout parce qu'il le fait à travers un concept génial, vous l'avez dit Guillaume, la simplicité. Alors petit point pour ceux qui n'y sont pas, Gaspard Koenig, philosophe qui se définit à la fois, je cite, « comme romantique et pragmatique », a décidé de créer son parti tout simplement nommé « Simple », se lançant ainsi dans la bataille électorale au nom d'une autre bataille, celle contre l'administration et ses complications. Bataille qui, à défaut d'être simple, a quelque chose de simpliste. Personne n'aime l'administration, sauf peut-être les anciens élèves de feu l'ENA. Et donc tout le monde rêve, au moins depuis Alexis de Tocqueville et sa phobie de la centralisation administrative en 1835, et donc bien avant Thomas Thévenoud, d'un monde simple avec une bureaucratie simplifiée. Mais bon, je ne vais pas tomber non plus dans la facilité et reprocher d'énoncer l'évidence, à savoir que le simple, bah ouais, c'est plus simple que le compliqué. Par contre, on peut se demander pourquoi. Et surtout se demander, est-ce si sûr, le simple est-il vraiment plus simple que le compliqué? Voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche, Guillaume, et non pas la bouche. Et vous savez quoi? Vous ôtez même ceux du stylo d'Henri Bergson, qui à propos de l'intuition philosophique disait ceci. À mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée d'un philosophe, nous voyons sa doctrine se transfigurer, la complication diminue. Enfin, tout se ramasse en un point unique, en ce point, et quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Mais vous le dites très bien, Guillaume. Et oui, le philosophe, selon Bergson, passe donc son œuvre à formuler et reformuler une seule et même idée qu'il n'arrive jamais à dire. Ceci dit, ça n'arrive pas qu'au philosophe et à l'administration, mais à chacun d'entre nous, énoncer simplement une idée simple semble pire que compliqué, impossible. Par exemple, ça me vient comme ça, dire « je t'aime ». Mais dire que le simple et compliqué n'est pas le seul paradoxe de la simplicité, ce serait presque trop simple. Encore faut-il alors comprendre pourquoi on le désire encore. Car comment comprendre qu'on veuille le simple s'il est beaucoup plus difficile à atteindre que le compliqué? N'est-ce pas là encore une manière de faire compliqué? Vous me suivez? Ce n'est pas seulement que le simple est une chose pénible, dure, laborieuse à obtenir, c'est qu'on veuille encore l'avoir au prix de complications infinies. Autrement dit, de complications encore plus compliquées que la simple complication. Bon, mais alors qu'est-ce que vous préconisez, Géraldine? En finir avec le simple? Eh bien, dans un autre texte, Les deux sources de la morale et de la religion, j'imagine que tout le monde lit ça tous les soirs, Henri Bergson soutient que malgré les difficultés, un retour à la vie simple est possible. Qu'on peut malgré tout tenter de retrouver le chemin naturel de la simplicité, caché dit-il, derrière des couches de confusion. Mais si la simplicité est si difficile à atteindre, pourquoi encore la vouloir? Pourquoi ne pas céder à la complication pure et simple? Et pourquoi penser que la complication, eh bien, c'est si compliqué? Car c'est bien ce qui est en jeu, penser que le compliqué n'est que compliqué, bêtement, gratuitement, simplement compliqué. Mais à la différence de la simplicité qui n'est que possible, le compliqué a lui quelque chose de réel. Le compliqué est ainsi, et malgré son nom, quelque chose de beaucoup plus évident, beaucoup plus naturel, beaucoup plus adéquat. Je ne dis donc pas que c'est agréable d'être embrouillé, perdu, mais au moins ça n'a rien d'un rêve.